Chapitre 32e. La présence de la vieille bonne avait réveillé dans le cœur de Rose mille instincts pervers, en même temps que les souvenirs de son ancienne existence. Les émotions de théâtre n'étaient pas tant ce qui l'agitait que les impressions du temps où elle vivait à Chartres dans la maison de son mari. Tout ce passé, submergé dans sa fuite, et qui n'avait reparu depuis peu que sous son côté attrayant, attendri, le renaît avec une sorte d'âpreté fébrile. Sans le vouloir, sans le savoir, à tout moment Florence évoquait un nom, une image depuis longtemps effacée, et le cœur de Rose était dévoré de jalouse colère en même temps que d'un indicible regret. Le regret de ce qui ne peut plus jamais revenir est une des formes les plus douloureuses du remords. Rose n'était guère accessible qu'à celle-là, mais elle l'a connue dans toute sa rigueur. Elle ne pouvait plus essayer de se le dissimuler maintenant. Elle aimait son mari, elle l'aimait follement. Avec toute l'ardeur de sa nature indomptée, avec la rage que lui causait le souvenir cruel de la passion d'André autrefois dédaignée. À mesure qu'elle le voyait plus calme, car Marguerite allait décidément mieux, elle se reprenait à espérer. Peut-être finirait-elle par se lasser d'un amour sans avenir, se disait-elle, et alors pourquoi ne le ressaisirait-elle pas? Mais il fallait beaucoup de prudence. Rose en eut, elle eut aussi de la patience. « Tu devrais aller chez le concierge du docteur Langlois, » dit-elle un jour à Florence. « J'étais au mieux avec ces gens-là autrefois, et je ne vois pas pourquoi je passerai le reste de ma vie isolée de tout, comme une brebis galeuse. En te promenant, va donc savoir ce qu'ils font, comment ils vont. Ils demeurent dans l'île Saint-Louis. Tu n'auras pas de peine à les trouver. »« Pourquoi ne le demandes-tu pas à ton mari ?» fit la vieille femme d'un air morose. « Est-ce que je peux lui demander quelque chose ?» « Tu veux savoir si ton mari va chez eux, n'est-ce pas ?» continua Florence. « Eh bien, ce n'est pas moi qui te le dirai. Tu peux trouver assez d'espions sans m'employer à ce métier. » Rose pâlit et se leva avec un grand mouvement de colère. « Je n'ai pas peur de toi, » reprit la vieille servante, « et je sais ce que je dis. » Madame André se rassit et ouvrit un livre au hasard. Florence la regarda un instant, indécise, se demandant si elle devait sortir ou rester. « J'irai moi-même. » fit tout à coup Rose avec une résolution extraordinaire. « Mon manteau et mon chapeau. » Et elle fut prête en un clin d'œil. Jeta un regard à la glace, par habitude, car elle ne se vit pas, tant sa vue était troublée, et sortit rapidement. « Pourvu qu'elle ne fasse pas quelque malheur, » pensa Florence en joignant les mains avec un geste découragé. Rose était partie d'un pas rapide, mais l'encombrement des rues et aussi la réflexion ralentirent bientôt sa marche. Elle prit une allure plus posée et gagna le quai de l'île comme une femme qui se promène. Dans la première maison où elle entra pour s'enquérir, on lui donna l'adresse exacte du docteur, déjà populaire. Elle se présenta chez la concierge de celui-ci avec un air de franchise et d'aisance qui gagnèrent aussitôt le cœur de cette femme crédule. « C'est bien le docteur Langlois qui demeure ici ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. » « Je voudrais savoir si c'est le même docteur qui habitait Chartres. » continua Rose en explorant l'escalier du regard, pour s'assurer qu'aucun de ceux qui pouvaient la reconnaître ne s'apprêtait à rentrer ou à sortir. « Ma sœur malade a été soignée par lui autrefois. Et en apprenant qu'il est à Paris maintenant, elle m'assurait qu'il lui fallait ce docteur-là, pas un autre, qu'elle n'avait confiance qu'en lui. C'est bien le même ?»« Oui, madame, et un bon docteur, je vous assure. » s'écria la bonne femme, qui était fière de son locataire. « On vient de loin pour le consulter. Allez !»« Il a toujours sa jolie petite femme, » continua Rose en approuvant de la tête. « Et sa mignonne belle-sœur, mademoiselle Marguerite ?»« Vous les connaissez ?» fit la concierge enchantée. « N'est-ce pas qu'elles sont gentilles et douces et bien élevées ?»« Cette pauvre demoiselle Marguerite, c'est bien malheureux tout de même qu'elle soit dans un si triste état. »« Elle a quelque chose ?» demanda Rose avec un étonnement qui, cette fois, n'avait rien de joué. « Madame ne sait pas. Mademoiselle s'est trouvée mal il y a une quinzaine de jours, dans une de ses promenades, et on l'a rapportée sans connaissance à la maison. Depuis, elle est entre la vie et la mort. Cela fait peine à voir, une si jolie demoiselle. Mais ce n'est pas bien étonnant après le chagrin qu'elle a eu de ce procès. C'est Monsieur André qui me l'a rapportée le jour qu'elle s'est trouvée mal. Il l'a montée jusqu'en haut, sans permettre seulement qu'on lui aide. » Le pauvre monsieur, lui aussi, il faisait pitié. « Monsieur André ?» fit Rose d'une voix altérée. mais si elle n'avait pu composer sa voix, elle l'avait su commander à son visage, car la concierge, en la regardant, ne vit sur ses traits qu'une compassion bien naturelle. Oui, le monsieur qui voulait se marier avec mademoiselle, si sa femme n'était pas revenue. En voilà une qui aurait bien fait de rester où elle était. Rose acquiesça du geste, car la concierge la regardait d'un air furieux, attendant sa réponse. Et c'est monsieur André qui a ramené mademoiselle Marguerite? Il l'avait donc vue quelque part? Dans la rue ou dans une église, je ne sais pas trop. Il l'avait rencontrée par hasard, comme elle se promenait avec madame Langlois. Pauvre petite fille, pauvre agneau du bon Dieu, elle méritait un meilleur sort. Monsieur André vient la voir, sans doute, demanda Rose avec des yeux tranquilles et une sorte de sourire. Je crois bien. Il vient tous les jours deux fois, le brave homme. Il doit avoir sa part de tribulation, celui-là, sans compter sa femme qu'il a reprise avec lui. Je me demande pourquoi, par exemple. Mais ce ne sont pas mes affaires. Est-ce que madame veut monter? Non, dit Rose. Puisqu'il y a une malade dans la maison, je ne veux pas être importune. Ce sera pour une autre fois. Je vais dire à ma sœur que c'est bien son docteur qui demeure ici, et elle lui écrira elle-même. Elle sera bien contente. Adieu, madame, je vous remercie. Elle sortit, accompagnée par un signe bienveillant de la concierge, et reprit lentement le chemin de sa maison. Le grand calme qu'elle avait témoigné durant cet entretien avait laissé sur elle son empreinte extérieure. En dépit de la tempête qui se soulevait au-dedans d'elle, elle marchait d'un air tranquille, effleurant à peine les parapets du quai de l'ourlet de sa jupe, les yeux fixés devant elle, le maintien grave et serein, ainsi qu'il sied à une femme qui se respecte, et pendant ce temps, tout son être bouillonnait d'une fureur sans nom. « Il s'aime, pensait-elle, il se voit. » Et son imagination malade lui représentait André penché sur le fauteuil de Marguerite, lisant dans ses yeux, lui souriant avec une douceur attendrie. Elle les connaissait bien, les yeux d'André. Elle savait quelle expression grave et passionnée il pouvait prendre. Autrefois, c'est ainsi qu'il la regardait, pendant leurs heures de solitude, lorsqu'elle lisait ou travaillait le soir. Il levait alors la tête, oubliant ses livres et ses plans étalés sur la table, et la regardait longuement. Elle en ressentait plus d'impatience que de joie. Cette attention la troublait et lui pesait. Car, pour y répondre, elle devait contraindre sa bouche à sourire, élever à son tour sur son mari un regard plein de tendresse menteuse. À présent, que n'eût-elle pas donné pour retrouver ses joies perdues? La tristesse amère que cette pensée avait éveillée en elle fut bientôt emportée dans un grand torrent de colère qui balayait tout devant lui. « Je suis sa femme, après tout, se dit-elle. Et seule, j'ai des droits. Il ne peut pas me renvoyer de chez lui. C'est elle, c'est Marguerite qui est coupable, et non moi. Pour un homme si sévère envers autrui, je trouve qu'en vérité il se montre envers lui-même d'une rare indulgence. Que dirait-il si, moi aussi, sous prétexte d'amitié tendre, je recherchais la société d'un ami trop longtemps négligé? Sans s'apercevoir de la fatigue, sans vouloir même se rendre compte de ce qu'elle faisait, Rose gagna le boulevard de Sébastopol, puis les grands boulevards. Là, elle s'arrêta un instant, prête à se demander si elle agissait sagement. Mais secouant d'un geste de la tête toute réflexion gênante, elle se dirigea résolument du côté de la Madeleine. Une fois déjà dans sa vie passée, elle avait ainsi repris possession de l'asphalte. Elle était rentrée dans la vie parisienne. En passant devant le gymnase, elle se rappela son entretien avec Pornic. Qu'était-il devenu, ce faiseur de drames? Tombé dans la bohème littéraire, il n'était plus même un astre de septième grandeur, mais seulement le satellite de ceux-là. Il tournait autour des théâtres, dans l'espoir, toujours déçu, de faire représenter une pièce. Et Max? Celui-là était devenu un personnage. Il occupait dans un ministère une place importante. Il s'était marié avec une héritière et ne faisait plus de journalisme. Les autres? Dispersés aux quatre vents du ciel, Rose était bien seule dans la vie. Excepté son mari, personne ne la connaissait plus. Les gens allaient et venaient par cette belle après-midi d'hiver, occupés les uns des autres et chacun de ses propres affaires. En Amérique, tout le monde connaissait Rose. Son portrait était à toutes les vitrines, son nom sur toutes les affiches. « Si je retournais là-bas ?» se demanda-t-elle soudain. Son cœur se serra. « Quitter André ?» La fierté de la jeune femme se révolta contre ce mouvement de son âme. Aimer ainsi André qui ne l'aimait pas, qui la méprisait, qui la haïssait sans doute. Elle ne voulait pas l'aimer, il saurait bien s'en empêcher.